Jason. La nuit d'Halloween est devenue une vraie nuit de folie, où les enfants se déguisent et où tout le monde s'amuse. S'amuse. S'amuse.